Le conseil directeur central du Parti pour les pionniers de l'Indonésie a publié le 15 une déclaration contre les agents secrets sud-coréens qui ont kidnappé collectivement les ouvrières de la République populaire démocratique de Corée.